chagrin. Et tu croyais qu'il t'aime, j'en étais pas certain. Lui non plus, c'est le problème. Gros chagrin, plus de portable qui sonne. T'es dans ta salle de bain et tu t'épiles pour personne, pour personne, pour personne. Gros chagrin, tu ne danses plus, tu traînes entre un pleur, un soupir, une pensée, une peine. Gros chagrin, essuie donc bien tes yeux ou va dans le jardin. Les tomates rougiront mieux, rougiront mieux, rougiront mieux. Gros chagrin, ne fais pas ta martyre. On voit tellement de gens qui souffrent avec le sourire. Gros chagrin, ne joue pas au pendu. Ne relis pas les lettres de ton amoureux perdu. Chagrin, allez, rigole un peu. Dans 50 ans, peut-être, tu retomberas amoureuse. Gros chagrin, tu l'as bien mérité. Je t'avais pourtant dit de ne pas me quitter.